s'agita dentro, e sale da dentro, e s'agita dentro, e sale da dentro, e s'agita, e sale, e s'agita, e sale, e s'agita. Che fai testi? Cervello